3, 5, 9, 3, quand tout ça saucisse ça fait. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est trop de gras, l'ambiance dégrade. Toujours les mêmes choses que je t'écris. Ça pionce grave, la haine nous dégrade. C'est pas du gras, ça sent belliqueux. Si bouge les esprits belliqueux, on bat les kicks, spread, faut faire balayer. Prends ton parachute, ça rentre dans le tas. Regarde, tout par la chute, tchatch, mis à part la chatte que tu fous. Y'a rien à faire, on tire une longue bourre. Avec autrui, on tire la langue à la barre. Comme après le bang, on se concentre en bande. Comme des parasites, on fixe les bagons en rond. Des picassiettes, on veut s'accaparer le site. Avant que tu sois cramé par la cite, c'est cramé. Tu parais, les coups, j'ai caparé. Y'a rien à comparer. Nos filles et la leur, c'est leur qu'on se parle vite. Avant qu'ils conspirent à nos pertes, dans une transpire et qu'on transpire. Pas de fat comeback, les portes se bloquent, j'irai des thunes qu'on plaque. Au cul à pack, y'a aucun scot dans les bacs. Ah. Y'a trop de bitch, trop de connards et trop de trucs qu'on risque. Ici, on se fixe nos devis sur 11, d'autres mis sur bis. Ils pensent qu'on se dépasse dans le vide. Ils disent même qu'on est tous perdus. Tous qu'on perd du vice sec, pour nous c'est perdu. Faut pas qu'on strip, juste qu'on s'active. Les ménages dans ce manège, tous faut qu'on se ménage. Qu'on prenne notre part avant que ça devienne neige. Alors je lâche pas, je suis accro toute ta vie creux. Micro en main en névro. Y'a trop de mèches en feu et trop qui prêchent. Trop qu'on pousse aux aveux, mais ça m'empêche pas. Faire ma guerre dans le jour, l'esprit sûr. Tous en concours, pour ce qu'on en court, ça vaut des tours, je te le jure. Entre coups de coude et injures, y'a rien de mieux, je t'assure. Le choix de rester studieux ou le rap en studio. Pas compatible, ça bute et je fais usage du stylo. Pour style et idéaux, on s'exprime. On se défie, jamais on se défile. Dans mes poumons, c'est autant d'air qui se comprime. En pression, c'est sur mes refs et Zéo qu'on prime. Synergie, Paris Arène et Crousse élargie. Dans la rime, comme dans l'arène, c'est pour la rue, prends-en de la graine, qui sait. Synergie, Paris Arène et Crousse élargie. Dans la rime, comme dans l'arène, c'est pour la rue, prends-en de la graine, qui sait. Synergie, Paris Arène et Crousse élargie. Dans la rime, comme dans l'arène, c'est pour la rue, prends-en de la graine, qui sait. Synergie, Paris Arène et Crousse élargie. Dans la rime, comme dans l'arène, c'est pour la rue, prends-en de la graine, qui sait. Le mal comme un cheville avec les frères autour de moi qui brillent. On braille la rage, on taille la route avec l'espoir de voir demain meilleur. De voir nos actes et puis la récompense qu'on mérite. Assimile ça, la réussite est écrite. T'as vu qu'à ça qu'on nique le maître, mot ici c'est synergie. C'est dans les potes que je pisse mon énergie, ma force de faire mieux et de pousser mes limites. Modèle unique, Assim, quoi. Je suis pas de celui qui imite. On brise les barrières à force de persévérance. Tendance actuelle se formater pour radio. Sa mère, putain, j'suis dans le vent. Trop de highway en moi. J'suis dans le sang au moins, est-ce que t'as qui en un mois. Néanmoins, j'essaie de partir en couille, on reste en moi. Mais sans s'en témoigne, munitions en main. En bas la même saga, les mêmes sagouins ou zaguets. Quand ça sent le gain, THC c'est comme quand l'âme aurait du sanguin. Toujours à l'avec ou sans le gain. Popo Royal Crew, on est tous dans le bain. Vas-y, prends le bas, c'est prends le bas. Combat eux deux, c'est tch bla. Dans le bain, c'est synergie. Paris Arène et Crousse élargie. Dans la rime, comme dans l'arène, c'est pour la rue. Prends-en de la graine, qui sait. Synergie, Paris Arène et Crousse élargie. Dans la rime, comme dans l'arène, c'est pour la rue. Prends-en de la graine, qui sait. Synergie, Paris Arène et Crousse élargie. Dans la rime, comme dans l'arène, c'est pour la rue. Prends-en de la graine, qui sait. Synergie, Paris Arène et Crousse élargie. Dans la rime, comme dans l'arène, c'est pour la rue. Prends-en de la graine, qui sait. Synergie, Paris Arène et Crousse élargie. Dans la rime, comme dans l'arène, c'est pour la rue. Prends-en de la graine, qui sait. Synergie, Paris Arène et Crousse élargie. Dans la rime, comme dans l'arène, c'est pour la rue. Prends-en de la graine, qui sait. Ah!